Qu'allez-vous faire de vos terrains et de vos immeubles? Demandait Mouret avec insistance au baron Hartmann. Vous avez une idée sans doute, mais je suis bien certain que votre idée ne vaut pas la mienne. Songez à cela. Nous bâtissons sur les terrains une galerie de vente. Nous démolissons ou nous aménageons les immeubles et nous ouvrons les magasins les plus vastes de Paris. Un bazar qui fera des millions. Et il laissa échapper ses cris du cœur. Ah, si je pouvais me passer de vous. Mais vous tenez tout maintenant. Et puis, je n'aurai jamais les avances nécessaires. Voyons, il faut nous entendre. Ce serait un meurtre. Comme vous y allez, cher monsieur, se contenta de répondre le baron Hartmann. Quelle imagination! Sans doute, l'idée peut séduire. Seulement, elle est d'un poète. Où prendriez-vous la clientèle pour remplir pareille cathédrale? Mouret le regarda un moment en silence, comme stupéfait de son refus. Était-ce possible? Un homme d'un tel flair, qui sentait l'argent à toutes les profondeurs? Et tout d'un coup, il eut un geste de grande éloquence, il montra ses dames dans le salon, en criant « La clientèle? Mais la voilà !» Le baron Hartmann, qui avait suivi le geste de Mouret, regardait ses dames par la porte restée grande ouverte, et il les écoutait d'une oreille, pendant que le jeune homme, enflammé du désir de le convaincre, se livrait davantage, lui expliquait le mécanisme du nouveau commerce des nouveautés.